un séminaire scientifique international consacré au 60e anniversaire de la fondation de l'école supérieure coréenne de l'Association générale des Coréens résidents au Japon a eu lieu le 12 courant à l'école supérieure coréenne à Tokyo. Y ont pris part le recteur, les délégués de formation des compatriotes coréens d'outre-mer, comme le président du comité américain de la direction d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, des professeurs, chercheurs et étudiants des écoles supérieures de divers pays et régions, comme le Japon, ainsi que des compatriotes. Les participants ont discuté de l'histoire et de la réalité de l'enseignement national pour les compatriotes coréens d'outre-mer et des futures tâches. Ils ont exprimé leur inquiétude de la tendance pour déshonorer l'autorisation juridique acquise depuis la seconde moitié des années 1960 par des écoles coréennes au Japon et souligné la nécessité d'une nouvelle discussion pour la défense des droits de l'enseignement national face à l'apparition des forces exclusivistes au niveau international. Le séminaire a lancé un appel. Au terme du séminaire, il y a eu une représentation artistique des étudiants de l'école supérieure coréenne et un banquet.